La fautive, c'est toi. Si t'es dans ce merdier, c'est de ta faute à toi. La fautive, c'est toi. Le mal que tu m'as fait, tu vas payer pour ça. La fautive, c'est toi. Aujourd'hui tu chiales et ne t'en prends qu'à toi. La fautive, c'est toi. Tu m'as possédé, tu n'auras pas de foi. Voilà.